Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'assassinat du commandant Massoud en Afghanistan, deux jours avant le 11 septembre 2001. On se souvient tous du visage de cet homme coiffé de son béret traditionnel afghan, cette sorte de Che Guevara d'Orient, dont on prenait des nouvelles régulièrement ici en France comme ailleurs, grâce à nos grands reporters et nos humanitaires devenus des enfants du Panjshir, le fief de Massoud. Son assassinat le 9 septembre 2001, donc, marque le début de notre histoire contemporaine, de notre actualité avec le terrorisme fondamentaliste islamique, celui du 11 septembre à New York, des attentats à Londres, Madrid et désormais en France, en plein cœur de Paris. Mais nous l'oublions parfois, les premières victimes de ces fous de Dieu sont souvent des musulmans jugés passés ou mauvais croyants par ces fondamentalistes en Afghanistan, en Irak, au Sahel, au Yémen, au Mali, en Syrie et dans d'autres pays. Aujourd'hui, nous évoquerons le parcours du Mujahideen Massoud, l'un des plus solides combattants d'Oussama Ben Laden et d'Al-Qaïda. Pour en parler, nous recevrons en seconde partie Olivier Weber, grand reporter, prix Albert Londres en 1992 et auteur de plusieurs livres sur l'Afghanistan, dont Le Faucon afghan, publié en 2001. Il a rencontré plusieurs fois le commandant Massoud, a parcouru l'Afghanistan des talibans et suit toujours le parcours des fondamentalistes de l'islam. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Jean Bulot, avec l'appui des documentalistes de Radio France et de l'INA, attaché de production Léa Dupouy-Henquin, coordination Christophe Barrère, programmation musicale Thierry Dupin, réalisation Coyenne Guyen et Jérôme Chélius, à la technique aujourd'hui, Julien Dumont, Fabrice Desmaz. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Le 16 septembre 2001, alors que nous avons encore les yeux embrumés par la poussière des tours du World Trade Center, de l'autre côté du monde, au nord de l'Afghanistan, un peuple enterre l'un de ses héros, Ahmad Shah Massoud. Depuis la veille, des milliers d'Afghans ont pris la route des chemins montagneux de la vallée du Panjshir pour atteindre le petit bourg de Jangalak, là où il est né 48 ans plus tôt. Ils sont plus de 10 000 Afghans, la plupart combattants, venus saluer une dernière fois leur chef. Avec lui, ils ont vaincu les Soviétiques, mais ils ont raté l'unification du pays, avant d'être poussés à quitter Kaboul, chassés par les talibans. Il y a là des compagnons d'un jour, des amis toujours, comme Abdullah Abdullah, l'un de ses plus proches et ministre des Affaires étrangères du gouvernement en exil, mais aussi ses gardes du corps, ses conseillers ou encore ses caméramans, comme Youssef Ranessar, qui caméra au point l'accompagnait sur le front et lors de ses voyages. Ce jour-là, il filme pour la mémoire de son pays. Très peu de journalistes sont présents, il y a juste une équipe de télévision iranienne, pays frontalier. Notre invité, Olivier Weber, pour le journal Le Point, est l'un des rares journalistes occidentaux présents. En ce jour de deuil, beaucoup de personnalités politiques ont fait le déplacement. Sur le char où est placé le cercueil, on repère le président du gouvernement en exil, Burhanuddin Rabbani, le successeur de Massoud à la tête des forces de l'Alliance du Nord, Mohamed Fain Khan, et différents généraux, conseillers, ambassadeurs. Mais celui sur lequel tous les regards sont tournés, c'est Ahmad, le fils de Massoud. Il a une dizaine d'années, déjà tout d'un grand. Les mains dans le dos, la tête haute, il répond aux questions des journalistes iraniens. Il parle du combat de son père, de son souvenir qui ne le quittera pas. Autour de lui, les grands généraux pleurent, emportés par l'émotion et par l'écho de cette voix déjà martiale et au travers de laquelle il pense retrouver un instant celle du commandant défunt. Vers 10h, la cérémonie débute. Trois hélicoptères, vestiges de la lutte contre les soviétiques, atterrissent au milieu de la plaine. Alors on sort le cercueil, on le recouvre du drapeau vert de l'islam. Des fleurs sont jetées tout au long du trajet qui le transporte vers son mausolée. La marche funèbre est ponctuée de cris et de larmes. Les femmes sont absentes de la cérémonie. Elles regardent de loin, d'un peu plus haut sur la colline. Elles regardent la marche de leurs hommes. Leur deuil est secret comme leurs larmes qu'on imagine derrière leur voile. Dans le brouhaha des chars et des voitures qui convergent vers le haut de la colline où sera enterré Massoud, on entend parfois des noms de pays et d'hommes. Pakistan, Taliban, puis un nom, Oussama Ben Laden. Ces mêmes patronymes sont écrits sur les quelques banderoles que certains portent durant la cérémonie. Au début de l'après-midi, le cercueil arrive enfin en haut de la colline, au lieu du mausolée. Le visage de Massoud est dévoilé à la foule, puis recouvert d'un linceul blanc. Allah est grand, mais c'est en son nom que d'autres revendiquent la mort du commandant. Alors, qui a tué le commandant Massoud et pourquoi le 9 septembre 2001 ? Comment se sont déroulés ces derniers jours ? De la terre de Massoud, l'Afghanistan n'a beaucoup lu d'histoires, de périples d'aventuriers, de contes et de légendes. Des écrivains et des journalistes ont pris un jour cette route de la soie qui passe par ce pays. Dans les écrits de ces voyageurs, on découvre une terre des mille et une nuits et les images de chaos que nous connaissons aujourd'hui. Depuis bientôt 50 ans, l'Afghanistan n'a pas connu la paix. La guerre y a élu domicile et c'est par elle que l'on suit à distance la vie de ce pays dans nos colonnes de journaux. Comme ce 27 décembre 1979, quand les chars soviétiques franchissent la frontière afghane pour s'emparer de Kaboul. Ils prennent le pouvoir et installent un président de circonstance et d'obéissance. C'est durant ces années-là, en 1982, que l'on découvre pour la première fois sur Antenne 2, au micro de Christophe de Pontfilly, un jeune combattant afghan, Moudjahidine d'Orient. Il a alors 28 ans. Il s'appelle Massoud. Il porte déjà son béret traditionnel afghan, le visage fin entouré d'une petite barbe. Derrière lui, on observe des combattants qui s'entraînent dans ce camp, dernière étape avant de prendre le chemin de la guerre contre les soviétiques. Assis sur le sol, Massoud parle de son combat, de son djihad, des avantages du terrain contre l'armement lourd et peu approprié des soldats soviétiques. Mes combattants, tous, ils aiment faire la guerre avec l'ennemi pour gagner le djihad. Ils ont réfléchi comme ça, ils ont que nous, si nous mourons, nous gagnons Jannat. La djihad. C'est-à-dire la guerre sainte. Jannat. La jardin de Dieu. La première chose, ça, c'est la l'aide de Dieu. Et la deuxième chose, ça, c'est que nous, Mujahid, tous sont très courageux. Oui. Et ils sont. Maintenant, pour la guerre, ils sont complets, comme on dit en français, complets. Ils sont prêts? Ils sont prêts pour commencer la guerre, pour continuer la guerre. Ainsi est né le lion du Panjshir. Christophe de Pontfilly écrira sa légende plume et caméra à la main pendant plus de 20 ans. Aux côtés des Moudjahidines de Massoud, d'autres aventuriers apparaissent dans les films et les récits de ces années de lutte. Ils sont souvent jeunes, insouciants hommes et femmes qui risquent leur vie pour en sauver d'autres. Ces nouveaux héros s'appellent Médecins du Monde ou Sans Frontières, humanitaires, souvent accompagnés de journalistes et autres baroudeurs qui ne sont pas forcément les mêmes. C'est grâce à eux aussi, grâce à ces French Doctors, comme on les appelle en Amérique, que l'histoire de l'Afghanistan nous est parvenue. En 10 ans de conflit contre l'URSS, ils sont les témoins de la destruction du territoire et du bouleversement des rapports de force entre les ethnies. Après le départ des Soviétiques, l'Alliance du Nord, une coalition entre différents partis et ethnies, n'arrive pas à mettre en place une administration crédible et pérenne. Alors une guerre civile éclate. Les humanitaires restent présents des deux côtés, soignent les civils étouffés par la guerre. Et le 27 septembre 1996, après 4 ans de guerre civile, on apprend sur les ondes de France Inter la victoire des fondamentalistes musulmans, les talibans. Le calme est revenu tôt ce matin à Kaboul après 3 jours de combat entre l'armée gouvernementale et les milices des talibans. La capitale afghane est passée sous contrôle des islamistes dont la première préoccupation a été de décréter l'instauration d'un État islamique. Et leur premier acte a été d'exécuter l'ancien président communiste afghan Najibullah qui était réfugié depuis 4 ans dans un bâtiment des Nations Unies. Il a été pendu à un réverbère avec au moins un de ses collaborateurs. Le témoignage d'Éric Gazo, responsable de Médecins Sans Frontières à Kaboul. Il y a eu des combats toute la nuit, des combats de rue et des tirs de roquettes dans Kaboul et à la périphérie de Kaboul, des tirs de canon, des chars. Depuis 2-3 heures, la situation est revenue au calme, c'est-à-dire qu'en fait les talibans contrôlent maintenant la ville et dans la rue, il n'y a aucun problème, on peut se promener en sécurité. Hier, je discutais avec Zavan, ils avaient peur que tout dégénère, que ce soit la guerre dans Kaboul et tout. Et là, c'est le soulagement, les choses sont stabilisées assez rapidement. Les gens sont rassurés parce que c'est le retour à la paix, il n'y a plus de combat. Et ils sont rassurés par l'attitude des talibans, c'est vraiment le soulagement. Ce soulagement dont témoigne ce médecin de MSF ne sera que de courte durée. La vie sous le règne des talibans, en vérité, ces hommes coiffés, habillés de noir, c'est comme une longue nuit qui tombe sur les populations, quelque chose qui a à voir avec les ténèbres. Elles touchent d'abord les femmes. On les recouvre entièrement d'un tchadri où la lumière ne passe qu'à travers une petite grille, une sorte de meurtrière devant les yeux. On leur interdit de travailler. Chacun de leurs déplacements doit être accompagné par un homme de leur famille. Les écoles pour les filles sont fermées, comme les cinémas et tous les établissements où l'image et la musique régnaient auparavant. Oui, oui, on interdit la musique, signe d'une lourde pathologie chez ces fanatiques qui tiennent désormais l'Afghanistan. Le diversement est banni, danser est condamné. Les hommes aussi doivent suivre des règles strictes, comme se couvrir la tête, avoir les cheveux longs, porter une barbe et être présent lors des prières. Au sein de ces villes et de ces villages, la résistance est souvent passive. Certains obtiennent quelques cassettes audio, alors ils écoutent, blottis et secrètement, les quelques paroles ou notes d'une chanson. D'autres regardent en cachette les images du dernier film à succès des pays voisins ou ceux venus d'Amérique ou d'Europe. S'ils sont dénoncés ou s'ils s'écartent de la loi, ils subissent la sentence du fouet et parfois la mort. Au-delà de la frontière, on s'intéresse alors assez peu à ce pays revenu aux temps anciens sous des lois qu'on imagine celles de Dieu. La mort devient un spectacle. On remplit les stades, on ramène le voleur du jour, on exalte la foule, puis on lui coupe la main sous les applaudissements. Pas d'image, pas de journaliste, caméras interdites, c'est un permis de tuer. Il faut attendre l'année 1998 pour que l'Afghanistan revienne sur le devant de la scène et de nos journaux. Cette année-là, au début du mois d'août, deux ambassades américaines sont touchées par des attentats au Kenya et en Tanzanie. Deux semaines plus tard, des missiles de croisière s'abattent sur des terres contrôlées par l'armée talibane. Bill Clinton explique les raisons de cette attaque à la télévision. Notre cible était le terrorisme. Notre mission était claire. Frapper les réseaux fondés et affiliés par Oussama Ben Laden, qui est peut-être le principal organisateur et financier du terrorisme international. C'est l'une des premières fois qu'on entend ce nom, Oussama Ben Laden. Les Afghans, eux, le connaissent tous. Du temps des soviétiques, il combat avec les Moudjahidines afghans et organise des camps d'entraînement. De retour en 1996, il se lie d'amitié avec le mollah Omar, le chef taliban. Il finance sur ses terres des camps d'entraînement. Et c'est dans l'un de ces camps, près de Khost, où sont formés des Arabes, des Pakistanais et d'autres étrangers, que les 70 missiles de croisière américains s'abattent le 20 août 1998. Oussama Ben Laden en sort indemne et l'Afghanistan sombre dans un silence radio jusqu'en 2001. Au début de cette année-là, des statues sont dans le collimateur du pouvoir taliban. L'objet du scandale est un lieu archéologique où les Bouddhas géants, sculptés dans la pierre à plus de 2000 mètres d'altitude, dominent les terres vertes et riches des plaines de Bamiyan. Achevés aux alentours du 5e siècle, elles sont l'une des traces de l'histoire afghane, forgées au carrefour des routes et des civilisations. À la fin du mois de février 2001, on apprend par la voix de Jean-Yves Berthaud, chargé d'affaires français pour l'Afghanistan, que le mollah Omar, chef des talibans, a décrété leur destruction. Ce qui est nouveau, c'est que donc hier soir, le décret a été émis par le mollah Omar et que par conséquent, à tout moment, elles peuvent être détruites. Et donc c'est une lecture très restrictive de sa religion qui lui fait penser que ces statues sont des idoles et que par conséquent, en elles-mêmes, elles représentent quelque chose de dangereux pour l'islam, qui est la seule religion acceptable et qui refuse naturellement le culte des idoles. Que peuvent menacer des statues? Rien. Sinon la folie de ces talibans au pouvoir. Par un acte d'acculturation qui va révolter le monde entier, les premiers bombardements s'abattent sur les statues. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Mashallah. Subhanallah. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Mashallah. Minutieusement, les hommes du mollah Omar, ombre enveloppée de noir, visent au mortier la montagne où sont logées ces sculptures. Jour après jour, des morceaux de l'histoire afghane s'effondrent à l'ombre des caméras et des diplomates qui n'arrivent pas à interrompre cette folie. L'obscurantisme, c'est aussi cela, la destruction d'images, de symboles, de la mémoire d'un peuple, d'un territoire qu'on décide de recouvrir du jour au lendemain d'une loi divine sans trace du passé où seule la foi dicte les lignes de l'histoire. Quelques semaines plus tard, en avril 2001, Massoud est en route pour la France. Un voyage de deux jours après l'invitation du Parlement européen. Lorsqu'il part, Massoud laisse à ses hommes une situation critique. À l'automne, il a perdu Talokan, son dernier bastion, avec un petit aéroport. Son voyage en France est l'une de ses dernières chances pour reprendre la main. Je mesure le temps qui passe, et tandis que l'eau s'étend jusqu'à l'autre bout de l'étang, je regarde l'aube claire s'allonger sur les conifères. À l'aune, à l'orée du jour, le soleil sera de retour. En dépit des années noires, des années folles, des heures de gloire, à la lisière du torrent, j'irai m'asseoir sur un banc. On ira faire un tour de barque, on ira déjeuner au parc, on s'embrassera dans le cou, il y aura tout autour de nous. Affaires sensibles sur France Inter, aujourd'hui vie et mort du commandant Massoud. Nous sommes le 4 avril 2001. Le commandant Massoud est en France, accompagné de ses plus proches conseillers, dont Abdullah Abdullah, ministre des Affaires étrangères afghan en exil, et son ami Massoud Khalili, ambassadeur à New Delhi. Massoud est l'attraction du jour. Il partage un petit déjeuner avec le ministre des Affaires étrangères, Hubert Védrine, puis rencontre les présidents des assemblées et s'exprime enfin lors d'une importante conférence de presse. Son premier message est destiné au président américain, George Bush. Comme vous le savez, jusqu'à ce jour, les Américains n'ont pas une politique claire à ce sujet. Mon message au président Bush est le suivant. S'il ne s'intéresse pas à la paix en Afghanistan, s'il n'aide pas le peuple afghan pour parvenir à son objectif de paix, les problèmes auxquels nous faisons face seront ceux auxquels les Américains et le reste du monde seront obligés de faire face. Ensuite, le lion du Panjshir réaffirme son intention de poursuivre son combat malgré l'ingérence du Pakistan. حرکت‌های مردمی در مناطق مختلف مخصوصا در مناطق پشتونشین خواهد بود. Vu que la nature de l'ingérence pakistanaise et le comportement injuste des talibans se manifeste de plus en plus, la résistance s'organise davantage au sein de tout le peuple afghan, de toutes les ethnies, Pashtun, Azora, Ouzbak, Tadjik. Dans un avenir proche, vous serez témoin des mouvements populaires, y compris dans les zones pachtounes, contre les talibans. Le lendemain, il est à Strasbourg, accueilli en personne par la présidente du Parlement européen, Nicole Fontaine. Nouvelle conférence de presse avec les différents correspondants internationaux. Il réaffirme une nouvelle fois le risque de laisser son pays entre les mains des talibans. Le soutien espéré n'est que de façade. Les journalistes comme les politiques sont heureux d'accueillir cet Afghan aux allures de Che Guevara et d'entendre ses histoires, mais ils ne saisissent pas les menaces. L'Afghanistan apparaît encore comme une guérilla, une de plus, loin de Paris, loin de l'Europe. Et puis ces fous de Dieu, oui, ils sont fous, mais ils sont loin, pas dangereux. Pourtant, quelques mois, et dans quelques mois, ils embraseront le monde. Grâce à son voyage en Europe, Massoud intrigue de nouveau. Il reçoit beaucoup de sollicitations d'interviews. Depuis de nombreuses années, le commandant utilise parfaitement la médiatisation et l'art de l'image dans son combat. C'est une arme comme une autre. Pendant l'été 2001, il donne une interview. Ce sera sa dernière. Extrait, puisé dans un épisode de la série documentaire Mystère d'archives de Serge Vialet. Extrait dans lequel Massoud répond à une question justement sur Oussama Ben Laden. En Afghanistan, Oussama Ben Laden a commis de nombreux crimes. Lui et les gens qui lui sont assimilés ont tué des milliers d'Afghans. Ils ont tué, brûlé des maisons, détruit des récoltes. Je pense qu'Oussama doit être jugé en Afghanistan par les Afghans pour les crimes qu'il a commis ici. Au début du mois d'août 2001, des journalistes venus du Sud souhaitent interviewer le commandant. Pour rentrer en Afghanistan, il y a deux routes possibles. Pour rencontrer les hommes de Massoud, il faut passer par le nord, par Dushanbe, au Tadjikistan. Là-bas, on rencontre des émissaires. S'ils acceptent, c'est le départ à bord d'hélicoptères dérobés aux soviétiques du temps d'occupation, en aussi bon état que la résistance, c'est-à-dire fracturé, bricolé, mais en marche. Si vous souhaitez aller à Kaboul, il faut passer par le Pakistan et Jalalabad, unique porte d'entrée pour rejoindre les talibans. C'est par cette ville et le sud que deux journalistes passent. Sur leur papier d'identité, on peut lire les noms de Kerim Touzani et Kassem Bakalid. Ils sont envoyés par une chaîne de télévision basée aux Émirats. Dans leur sacoche, une caméra, une simple lettre de recommandation signée par un centre d'observation islamique basé à Londres. Leurs passeports proviennent de l'ambassade du Pakistan. Ils passent checkpoint après checkpoint sans lever aucun soupçon. Pourtant, les Arabes sont rares dans le coin. Les Arabes en Afghanistan sont souvent synonymes de soldats étrangers, ceux de Ben Laden, qui se battent aux côtés des talibans. Aucune fouille intensive ou interrogatoire sur leur venue, leur motivation, leur source. Ils rencontrent un premier dignitaire, Abdul Rasouf Seyaf, chef fondamentaliste rallié à Massoud. Puis c'est le président Rabbani qui les accueille, accepte de répondre à leurs questions. À la fin du mois d'août, ils atteignent la guest house de Sanaga, non loin d'Ashtaneh, où on loge les invités, les journalistes de Massoud. Situé au cœur du Panjshir, l'endroit est paisible. Les deux journalistes sont assez discrets, ils restent plusieurs jours et rencontrent d'autres convives, dont des journalistes français, Françoise Causse et Brigitte Brault. Après un premier départ manqué à bord d'un hélicoptère avec Massoud, les deux hommes débarquent à Khoja Bahauddin, la base arrière du Front Uni, fief administratif où sont localisés certains bureaux et ministères. Le 9 septembre, Massoud accepte enfin de le recevoir, quelques minutes avant de reprendre la tournée des différents fronts. Les deux journalistes sont amenés dans la pièce où se trouve déjà le commandant Massoud et Massoud Khalili qui jouera le rôle de traducteur. Après avoir demandé le thème des différentes questions, dont la plupart concernent Oussama Ben Laden, Massoud donne son accord pour débuter l'interview. La suite, c'est Khalili, témoin de la scène donc, qui la raconte dans le documentaire « Qui a tué Massoud ?» de Didier Martini. Il a dit au caméraman « Allez-y, allumez la caméra ». Alors, il l'a allumé. Très sûr de lui. Je ne peux pas oublier son visage et la façon qu'il avait de me regarder. Il m'a lancé un regard empoisonné que je n'oublierai jamais. Peut-être qu'il voulait dire, vous ne savez pas que vous allez mourir. J'ai traduit pour le commandant. Il demande quelle est la situation en Afghanistan. Au moment même où j'ai dit « quelle » en persan, il y a eu un souffle. Je n'ai pas entendu un son, juste un. Et tout est comme rentré en moi. Tout. Le son, l'odeur, tout est entré en moi. Les deux hommes sont de faux journalistes. Ils se prénomment en réalité Bouhari El Ouaer et Abdessattar Darman. Ils sont originaires de Tunisie et vivent en Belgique. Ils appartiennent à Al-Qaïda. Après l'explosion, on ne retrouve que les deux jambes du caméraman Bouhari El Ouaer. Les explosifs étaient scotchés autour de son ventre. Son complice, Abdessattar Darman, s'en sort indemne et prend la fuite. Il est vite rattrapé. Puis, Massoud, lui, est touché au visage. Il est transporté en jeep vers un hélicoptère qui l'emporte vers l'hôpital de Farkar. Dans l'appareil, il est encore en vie. Les combattants n'en sauront pas plus pour l'instant. Pourtant, on s'interroge sur place, comme sur les ondes internationales. Massoud est-il mort ? France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Vie et mort de Massoud, aujourd'hui, dans Affaires sensibles sur France Inter. Notre invité, que nous retrouverons dans quelques minutes, Olivier Weber, grand reporter, auteur de plusieurs livres sur l'Afghanistan, dont Le Faucon Afghan, publié en 2001. Et surtout, il a rencontré plusieurs fois le commandant Massoud. Il pourra nous parler aussi de l'homme Massoud. Le 11 septembre, au journal du matin, rien n'est confirmé par les proches du commandant. Et c'est ce qu'annonce Olivier Weber, notre invité, ce jour-là sur les ondes de France Inter. D'après les proches de Massoud, son porte-parole en particulier, le docteur Abdullah, qui est le ministre des Affaires étrangères de Massoud, Massoud est bien en vie, qu'il n'a été que légèrement blessé lors de cet attentat. Donc, un de ses conseillers est mort, deux autres blessés, mais Massoud n'est blessé qu'à la jambe et qu'au bras, et légèrement, mais très légèrement au visage. Le conseiller militaire, qui s'appelle Registani, donc, a été chercher Massoud à la frontière, puisque Massoud a été blessé à Rojobordine, qui est un camp de réfugiés, aussi une base arrière de Massoud en Afghanistan, mais non loin de la frontière tadjik. Et cet attaché militaire a été le chercher en hélicoptère, a passé 10 heures avec lui, et donc a vu Massoud transmettre lui-même des ordres au général Fahim, qui est son adjoint, donc, et qui est son actuel successeur. Et donc, on ne sait pas s'il est tombé inconscient ou pas, mais ces sources-là, afghanes, sa garde rapprochée, disent qu'il n'est pas dans le coma et qu'il est actuellement simplement traité de l'autre côté de la frontière, au Tadjikistan, où je suis actuellement. Annoncer la mort de Massoud, c'est tout simplement donner le feu vert aux talibans pour une attaque de grande envergure. Les responsables du Front Uni se refusent donc d'officialiser la mort de leur chef charismatique sans consolider les lignes de front et préparer la succession. Ce 11 septembre, comme partout dans le monde, ils entendent les nouvelles venues d'Amérique. Deux avions s'écrasent sur les tours du World Trade Center, un troisième sur le Pentagone, un quatrième tombe en Pennsylvanie. Dans la vallée du Panjshir, aucun doute, l'homme responsable des attentats ennemis de Massoud et des États-Unis ne peut être qu'Oussama Ben Laden. Le 15 septembre 2001, quatre ans après Bill Clinton, George Bush nomme lui aussi Oussama Ben Laden comme le principal suspect. Le lendemain, Massoud est enterré par les siens à Jangalak. Le monde redécouvre alors les messages du commandant Massoud lors de ses différentes interviews, les menaces qui pèsent sur le monde, le danger Ben Laden, la dangerosité du régime taliban, le rôle du Pakistan. Kaboul aussi sort de l'ombre. Des images qu'on pensait inexistantes apparaissent enfin, celles des exécutions, de la ségrégation contre les femmes, des coups de fouet dans la rue, de l'obscurantisme absolu. La communauté internationale également redécouvre ces images. Le 21 septembre 2001, George Bush prend la parole au Congrès, puis menace directement le régime taliban. Ce soir, nous exigeons des talibans qu'ils nous livrent immédiatement les chefs d'Al-Qaïda cachés dans leur pays. Ces demandes ne sont pas ouvertes à la négociation ou à la discussion. Les talibans doivent agir et agir immédiatement. Ils livreront les terroristes ou bien ils partageront leur sort. Le 7 octobre 2001, l'Amérique et ses alliés lancent une vaste offensive contre les forces talibanes suspectées de protéger parmi ses rangs Oussama Ben Laden. Il sera tué 10 ans plus tard lors d'un raid en 2011. Ben Laden était caché au Pakistan. Aujourd'hui, l'Afghanistan n'est toujours pas en paix. Retrouverons-nous encore un jour l'Afghanistan de nos héros, ceux des mille et une nuits, des cavaliers de Joseph Kessel, des carnets de voyage, des aventuriers, des poètes, du vin, des jardins cachés, de la paix? Massoud, lui, est devenu une idole pour une partie des Afghans. On dessine son visage sur les murs, un visage fin, une barbe légère et un béret traditionnel. Il était moudjahidine, lisait le Coran, priait Allah, tout comme les fanatiques qui l'ont tué. Bonjour Olivier Weber. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je rappelle, merci que, vous êtes journaliste, grand reporter, auteur du livre, votre dernier livre s'appelle La Confession de Massoud, hein, chez Flammarion. Vous avez rencontré plusieurs fois le commandant Massoud. Alors parlons de lui déjà, parlons de l'homme. C'est vrai qu'il a cette image de héros. Alors je disais un Che Guevara d'Orient, je ne sais pas ce que vaut la comparaison, mais il y a quelque chose de cela. C'est-à-dire un homme devenu mythe. D'abord une réalité politique, une réalité de guerre, et puis aussi un mythe. Oui, il y a les deux. Il y a le côté mythe, icône, voire idolâtrie. Alors il faut se méfier de cet idolâtrisme, justement. Et puis deuxièmement, la figure du résistant. C'est celle-ci qui est la plus importante, qu'il faut retenir, parce qu'il était résistant. Dans sa vallée, la vallée contre un empire, c'était le titre du film de Christophe de Pomfilly et de Jérôme Bonny, qu'il avait rencontré en premier, avant Christophe d'ailleurs. Résistant aussi pour l'ensemble de l'Afghanistan. Et je vais plus loin, c'est un petit peu le but de ce roman que j'ai écrit dans ce moment, pour parler de Massoud, mais plus généralement de la guerre au sein de l'islam. C'est un roman, certes. C'est la guerre que lui voulait mener en tant que résistant contre l'autre islam. Il disait grosso modo, en parlant par exemple des talibans, attention, c'est ce que vous aviez rappelé tout à l'heure, lorsqu'il est venu à Paris, attention, vous allez avoir une déferlante, qu'elle s'appelle Taliban, qu'elle s'appelle Al-Qaïda, et malheureusement aujourd'hui Daesh, ça nous pend au nez. Et malheureusement, il avait raison. Massoud, c'était ça, c'était incarner l'esprit de résistance et de dire attention, il y a dans ce qu'on appelle l'Oumma, l'ensemble de la communauté des croyants, 1,5 milliard d'habitants, 1, 2, 3, 4%, peu importe, d'extrémistes, mais qui ne sont pas des musulmans, ils ne sont pas des vrais musulmans. Il lui appelait ça un coup d'État contre l'islam. Donc, son ennemi, c'est Ben Laden, justement, au titre de ce qu'il disait, de ce qu'il pensait. À d'autres titres aussi, Ben Laden, est-ce que Ben Laden voulait le pouvoir en Afghanistan ou est-ce qu'il voulait que l'Afghanistan soit une base de sécurité pour lui? Oui, c'est une bonne question. Massoud avait perçu ça. Il y avait l'ennemi taliban, des féodaux, des barbus, des barbares, certes, mais quand même, je dis ça avec beaucoup de précaution, relativement cohérent. Il ne voulait pas 1 million de morts à Kaboul ou plus loin à Bagdad ou au Pakistan. Les gens d'Al-Qaïda, oui, ce sont les internationalistes, sans aucune comparaison avec la guerre d'Espagne, mais ce sont des combattants étrangers, pakistanais, saoudiens, nord-africains principalement. Quelquefois, j'en ai vu beaucoup, des convertis à l'islam, même des Français là-bas. Et Ben Laden était le chef de file. Qu'est-ce qu'il voulait, Ben Laden? C'était prendre le pouvoir, pas forcément créer un État et prendre un espace, prendre le pouvoir. Et vous aviez parlé tout à l'heure de ces deux tours, non pas du World Trade Center, mais 6 mois avant, les deux tours de Bamiyan, les deux Bouddhas, qui étaient vraiment l'incarnation de cette première rencontre. Ce n'est pas une figure de style entre l'Orient, l'Orient bouddhique et l'Occident, l'Occident hellénistique. Il fallait abattre les idoles. Et Ben Laden voulait monter au front. Pourquoi? Parce que, grosso modo, c'était de dire non, non seulement à Massoud, mais de prendre le pouvoir sur les talibans. C'était déjà, vraiment avant l'heure, ce que fait Daesh aujourd'hui. Et là, effectivement, Massoud avait compris qu'il y avait un double front. Il y avait le front contre les talibans, l'ennemi intime, l'ennemi intérieur, absolument, l'ennemi afghan, et puis deuxièmement, l'ennemi international qui était beaucoup plus dangereux. Malheureusement, il était seul. Moi, je l'ai rencontré plusieurs fois dans des grottes, dans des maisons improbables. Il changeait de lit pratiquement tous les jours. Hein. C'est au moins 5-6 fois par semaine. Il était très très proche de ses hommes. Il aimait rien que de tel que de lire de la poésie ou un livre devant ses hommes à la lueur d'une chandelle, d'une lampe de poche au fin fond de la montagne. Il aimait jouer au football, il aimait jouer aux échecs. Et il aimait beaucoup aussi des livres français. Il aimait lire Napoléon. Il aimait lire De Gaulle également et la poésie française en général. C'était quelqu'un de très cultivé et qui avait une dimension vraiment pour moi universelle, et y compris d'ailleurs sur les femmes. Et on ne peut pas lui reprocher parce que il venait du giron fondamentaliste. Il avait été très très jeune, à 20 ans et quelques, frère musulman à Kaboul. Et très vite, il a viré sa cutie, il a retourné sa veste. Il est devenu une sorte de démocrate à l'Afghane, mais la vallée du Panjshir dont vous parlez, qui est une espèce de vallée magnifique de 100 km de long, qui part, on va dire, de 2000 mètres d'altitude, et qui s'élargit, qui se rétrécit à certains moments, ça peut aller jusqu'à 200 mètres de large, pas plus, mais ça monte jusqu'à 4000 mètres, et bien cette grande vallée de 100 km de long, c'était une sorte de laboratoire des idées, laboratoire de l'éducation. Pour les femmes en particulier, aujourd'hui même en Afghanistan, on tue des directeurs d'école parce qu'ils enseignent, tenez-vous bien, à des filles. Lui, Massoud, luttait contre ça. Laboratoire également sanitaire, médical, avec des organisations médicales internationales qu'il faisait venir, et des femmes, en particulier les premiers envoyés, avant même les journalistes, ceux qui nous informaient, c'était des humanitaires. Et parmi ces humanitaires, c'était des femmes françaises. Laurence Lemoynier, Capucine de Bretagne, et d'ailleurs, quand elles ont rencontré Massoud, c'était une sorte de rencontre charismatique, et le premier cadeau d'ailleurs que Massoud a fait à ses envoyés humanitaires, c'était, tenez-vous bien, on est en pleine guerre contre les soviétiques, une Jeep soviétique en pièces détachées. Ça servait à rien, mais c'était le cadeau aux French Doctors, aux femmes French Doctors. Sacré bonhomme. Hein. Sacré bonhomme, hein. Charisme. En juin 2001, une délégation menée par le député européen Philippe Morillon et deux parlementaires français sont au Panjshir pour rencontrer Massoud. Alors, on va écouter les questions des députés de Richard Cazenave sur la situation des femmes, puis celle de Jean-Michel Boucheron sur Oussama Ben Laden, justement. On écoute ça ensemble, on en reparle après. Êtes-vous favorable à l'égalité des droits pour les femmes? Êtes-vous favorable au fait qu'elles aient le droit de vote et qu'elles soient éligibles? Et auront-elles le droit à l'éducation? Oui, dans la démocratie que nous allons instaurer en Afghanistan, les femmes auront le droit de vote, elles seront éligibles et elles pourront travailler et étudier. Très concrètement, si vous étiez au pouvoir à Kaboul, que feriez-vous de M. Ben Laden? Je vous dis très clairement que nous ne voulons pas voir l'Afghanistan devenir une base pour terroristes. Dans l'Afghanistan que nous dirigeons, il n'y aura aucune place pour les terroristes et pour Oussama Ben Laden. Voilà, ça confirme ce que vous disiez. Est-ce que ça veut dire, à pas faire de l'histoire fiction, et si les choses s'étaient passées comme ça, parce qu'elles ne sont pas passées comme ça, mais bon, est-ce qu'on peut imaginer que si Massoud était arrivé au pouvoir, on aurait eu un Afghanistan démocratique? Alors, démocratique avec nos yeux d'occidentaux, mais voilà, aussi une démocratie en Afghanistan. Je suis convaincu que Massoud vivant, l'Afghanistan serait aujourd'hui totalement différente. Et peut-être même, je vais plus loin, une partie de l'Asie centrale, voire une partie de la communauté musulmane, et qu'il aurait pu empêcher l'apparition de ponts, de passerelles entre différents groupuscules. non pas organisées, mais du type nébuleuse. Al-Qaïda, Daesh aujourd'hui, etc., etc. Et malheureusement, ça va le proliférer, puisque Daesh est en train de se territorialiser en Irak et en Syrie. Il avait compris tout ça, et je me rappelle, lorsqu'il est venu à Paris, juste après d'ailleurs la destruction, moi j'appelle ça l'assassinat, des Bouddhas de pierre, de Bamiyan, en mars, donc il est venu un mois après, en avril 2001, il était extrêmement... déçu. Il a dit, mais ils n'ont rien compris. Je repars là-bas. Évidemment, j'aurais voulu avoir des armes. Évidemment, je voulais avoir de l'argent et de l'aide, du soutien. Je ne l'ai pas eu. Mais ce n'est pas de l'argent et des armes pour moi, c'est pour vous. Et effectivement, l'histoire lui donne raison. Et il avait à la fois, le charisme de la simplicité. C'est rare que je dise ça pour des politiques, mais je dis ça également pour Aung San Suu Kyi, la prix Nobel de la paix en Birmanie, que j'ai rencontré. Absolument. Et puis le Dalai Lama, qui est plus spirituel que politique, mais néanmoins quand même chef en parti politique de la communauté tibétaine, et Massoud incarnait cela aussi, ce charisme de la simplicité, et surtout une vision démocratique, c'est vrai, et je crois que effectivement, s'il avait résisté à cet attentat, parce que qu'est-ce qui s'est passé le 9 septembre, le dimanche 9 septembre après-midi, à Rajabahouddin, à la frontière, il était d'un côté de la frontière, moi j'étais de l'autre, avec des Afghans, des Afghanes, le docteur Abdullah, et puis son beau-frère, Shamsuddin, qui était chargé du trafic d'émeraude, et qui avait d'ailleurs les yeux verts, couleur de ses pierres. Qu'est-ce qui se serait passé s'il avait survécu? C'est qu'en fait, évidemment, il aurait dit non aux talibans. Il aurait dit non à l'offensive qui a été lancée le soir même, le 9 septembre. Et cet assassinat, le dimanche 9 septembre, c'était, tenez-vous bien, la 42e tentative. Donc ça veut dire qu'il avait résisté, lui, Massoud, à 41 autres tentatives. Et une fois, j'y étais un peu par hasard aussi, à côté du pont de Chia, lorsqu'il y avait une tentative d'assassinat. C'était une Toyota grise, une 4x4, donc totalement blindée d'explosifs dans les portière et télécommandable à distance avec deux Algériens à bord. Aujourd'hui, ça paraît facile. À la fin des années 90, c'était quand même assez techniquement difficile et on sait très bien qu'il y avait des appuis pakistanais pour essayer d'assassiner Massoud. Donc voilà, je pense qu'il y avait évidemment une coordination évidente entre l'assassinat de Massoud et le World Trade Center. D'où les dates. Hein. Tout à fait. Mais qu'est-ce que c'est que ce monde où d'un côté l'Amérique nourrit la main qui va se retourner contre elle, hein, c'est celle de Ben Laden. Oui. Et un monde, ce même monde qui ne comprend pas qu'avec Massoud, il y a peut-être de l'espoir. Qu'est-ce que c'est? C'est de la cécité? C'est quoi? Oui, je crois qu'il y a de l'aveuglement, il y a de la courte vue, en tout cas pour la politique américaine. Je me rappelle quand je prenais l'avion pour aller voir une dernière fois Massoud en août 2001, avec une amie afghane qui est chirurgienne, je lisais dans l'avion, depuis Moscou pour la Douchanbé, tout ça, ça prend 2-3 semaines, il faut passer à pied en radeau, etc., que la CIA n'avait que 2 agents sur 10 000 agents qui parlaient le pachtoun, c'est-à-dire en fait la langue des talibans qui étaient au pouvoir à l'époque. C'est vrai qu'il y a une cécité, puis il y a ce que j'appellerais deuxièmement l'effet boomerang, le plus bel effet boomerang qui impacte non seulement la Syrie aujourd'hui, l'ensemble de la communauté des pays arabes, mais aussi l'Afghanistan. C'est 2 ans plus tard, 2003, mars 2003, le renversement de Saddam Hussein. Et là, c'est plus un aveuglement d'ailleurs de l'administration républicaine et surtout de la Maison Blanche de George Bush que de l'ensemble des institutions américaines, puisque la CIA, entre autres, et le Pentagone en particulier, avait prévenu le président américain qu'il ne fallait pas aller jusqu'à renverser Saddam, sinon ça serait l'implosion de l'Irak en 3 communautés. Et malheureusement, l'avenir a donné raison à la CIA et a totalement invalidé le jugement de Bush. Donc vous avez raison, c'est la politique à courte vue, c'est la cécité même. Oui. Vos rapports avec le commandant Massoud, vous connaissez bien, vous étiez un journaliste français, vous vous intéressiez de près à son combat, ce qui devait le toucher, j'imagine, c'est normal. Hein. Quel rapport vous aviez? Oui, alors je prétends pas être l'ami de Massoud, c'est quelqu'un que, pas dire que je l'admirais, c'est quelqu'un qui me fascine en tout cas. Il avait un charisme, c'est certain, j'étais surtout admiratif de son agitation intellectuelle et politique et sociale, ce qu'il voulait faire donc, de ce Daoulat, de cette république musulmane donc du Panjshir. On était distants parce que je le connaissais beaucoup moins que mon ami le photographe Reza ou que Christophe de Pontfilly. Et cela dit, je suis allé le voir plusieurs fois en pleine guerre à Kaboul et dans le Panjshir en particulier, dans des conditions quelquefois acrobatiques, en pleine guerre, avec des combats juste à côté. Il était épuisé. Moi, je ne savais pas si j'allais pouvoir franchir des lignes ou revenir, etc. Il était très, très nerveux. Je pense que plusieurs fois, je l'ai vu... sinon déprimé, en tout cas très déçu, encore une fois, très angoissé par l'avenir, non pas pour son propre statut, pour sa survie, mais pour celle des autres. Et quelques jours avant sa mort, le 9 septembre, donc il s'est baigné dans le Panjshir. C'était son anniversaire, il venait d'avoir 48 ans. Et il a dit à sa femme, Sediki, en revenant dans sa maison juste à côté, « Chérie, je sais un jour que je serai shahid, c'est-à-dire martyr. » et c'était quelques jours avant l'assassinat. C'était ça, ce côté visionnaire, ce côté un peu pragmatique, en même temps futuriste, si je puis dire, de la part de Massoud. Olivier Weber, on va se retrouver après avoir écouté Travis Singh, et c'était forcément en 2001. Olivier Weber, le commandant Massoud, figure historique de l'Afghanistan et de son histoire récente. Où en est l'Afghanistan aujourd'hui ? Alors, l'Afghanistan a désigné un nouveau président donc en 2014. Surtout, l'Afghanistan, depuis le 31 décembre, est entre guillemets livrée à elle-même, sans présence étrangère, ou du moins réduite à celle de 10 000 conseillers, principalement américains, enfin un peu plus de 10 000, et considérant qu'il y a eu quand même pendant des années jusqu'à 150 000 forces combattantes et conseillers de l'opération LISAF, qui est l'opération de l'OTAN en Afghanistan. Donc évidemment, l'Afghanistan doit faire face aux enjeux sécuritaires avec les talibans en particulier. En même temps, le pouvoir présidentiel, le nouveau président Shafrani, essaye de négocier avec les bons talibans. Alors, comment distinguer un bon taliban modéré, entre guillemets, d'un mauvais taliban ? C'est aux Afghans de le définir, mais en tout cas, il y a des passerelles, des échelles de négociation qui sont mises en place. Et en même temps, on ne peut être que, sinon inquiet, en tout cas attentiste. Pourquoi ? Parce que ça fait quand même 35 ans que ce pays est livré à la guerre. Et deuxièmement, il y a une sorte d'autoreproduction de la guerre. Vous savez avec quoi ? Non. Avec le pavot, c'est-à-dire le pavot qui permet oui. de produire l'opium. Oui. Pardon. Et ensuite, l'héroïne, la poudre blanche. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, 90% de l'héroïne du monde entier provient d'Afghanistan. C'est et vous avez la création, malheureusement, d'une sorte de macroéconomie de la drogue en Afghanistan, mais aussi de microéconomie. On achète des 4x4 avec l'argent de la drogue. On achète des Kalachnikovs. Ça doit valoir à peu près, au prix du marché aujourd'hui, en barter, en troc, comme on dit, 7 à 10 kilos d'opium. Donc on échange de l'opium contre des Kalachnikovs, contre des armes. Et puis, parce qu'il y a aussi, tout simplement, l'achat de l'immobilier avec l'argent de la drogue, etc., etc. Et même, pardonnez-moi d'être trivial, mais c'est ça, c'est la réalité. Les ONG, surtout les ONG afghanes, et les femmes afghanes le dénoncent, on achète des femmes avec, avec l'argent de la drogue, etc. Donc on peut être relativement circonspect, mais on peut faire une lecture inverse. J'ai beaucoup d'amis afghans qui me disent « mais on a grandi avec la guerre ». Plus de 50% de la population a moins de 35 ans. Donc, on n'a connu que la guerre. On en a marre. On veut faire la paix. On veut commercer. On veut envoyer nos enfants et surtout nos filles à l'école. Et c'est ça l'espoir de demain. C'est-à-dire que l'avenir de l'Afghanistan n'est pas forcément sombre. Non, pas forcément sombre. Malgré ces chaos qui se répètent, un chaos chasse un autre chaos arrive. Donc, il n'est pas forcément, forcément sombre. Alors, il y a encore un État qui existe. C'est ça ce qui est positif. Ouais. En juin 2001. Donc on a raconté tout à l'heure que les deux assassins de Massoud venaient de Belgique. Hein, c'est ça. Donc ça veut dire qu'il y avait une filière belge et on va essayer d'en savoir un peu plus sur cette filière. Alors, on va écouter un nouvel extrait du documentaire de Didier Marigny donc, qui a tué Massoud. Alors là il interview une journaliste belge, justement Marie-Rose Armesto, sur l'organisation de cette filière en Belgique. Au cœur du dispositif, on trouve essentiellement deux hommes. Le premier, c'est Tarek Maroufi, c'est l'idéologue. C'est celui qui donne la caution idéologique et religieuse. Le deuxième, c'est Mohamed Sliti, celui qui a donné l'exemple. C'est lui qui est parti le premier en Afghanistan avec sa famille. Et c'est lui qui a vanté ensuite les mérites de ce pays qui était régi par la charia. Et donc, il a organisé avec Maroufi et certainement avec d'autres personnes également, l'envoi de jeunes de Belgique vers l'Afghanistan. Donc, en fait, il a servi en quelque sorte de guide, mais aussi de recruteur. Voilà, donc on revient à l'histoire. On a parlé de l'Afghanistan d'aujourd'hui, mais je reviens à ce qui est le thème de l'émission, l'assassinat de Massoud. Commentaire de ce que vous venez d'entendre. Marie-Rose Armesto a très bien enquêté. C'était remarquable. C'est vrai qu'il y a une filière belge. Il y avait également une filière pour l'assassinat de Massoud londonienne, britannique, puisqu'on a pu, ils ont pu obtenir des sauf-conduits pour se rendre ensuite au Pakistan et en Afghanistan, et puis qu'elle laissait faire de la part des services de sécurité de Massoud, puisque nous, on passait à l'époque, tout ça prenait des semaines, je vous la fais courte, Moscou, l'Ouzbékistan, Tadjikistan, l'Amoudaria, on traversait la rivière, on prenait encore une jeep, on arrivait à pied dans le Panchir, etc. Eux, les terroristes, sont arrivés mi-août 2001 par Kaboul, cessez le feu à la demande des talibans sur cette ligne de feu qui était ligne de front qui était assez large avec quatre lignes défensives, offensives, champs de mines au milieu. On les a pas fouillés et puis au bout de trois semaines, ils ont tué Massoud. Donc il y a eu beaucoup de laisser faire et beaucoup de trous dans la sécurité de Massoud. Alors parler de Massoud, parler de l'Afghanistan et on l'a fait, c'est aussi forcément parler d'Al-Qaïda. Je rappelle que c'est Al-Qaïda Yémen, qui a revendiqué l'assassinat des 12 personnes à Charlie Hebdo le 7 janvier dernier. Quelle est rapidement la situation d'Al-Qaïda aujourd'hui en Afghanistan ? C'était sa base la plus forte. Ce n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Qu'en est-il ? Alors, c'est beaucoup moins le cas aujourd'hui. Al-Qaïda est beaucoup plus présente, évidemment, au Maghreb islamique, enfin, l'ACMI, pardon, au Maghreb, au Sahel, désormais dans la péninsule arabique et au Yémen en particulier, voire dans d'autres pays. Et puis, bien sûr, ce développement en Irak et en Syrie avec cette concurrence. Un petit peu d'émulation, si je puis dire, pas forcément d'agression entre Daesh et puis les différentes composantes d'Al-Qaïda. Donc, ce qu'il faut dire par rapport à Daesh et Al-Qaïda et consorts, Al-Qaïda décliné, c'est que vous avez pour la première fois une expérience, on se dit ça existait, il y a une sorte d'embryon au temps de Ben Laden, on sait faire, on avait des ressources humaines, des recrutements, des armes, donc on va le reproduire ailleurs, mais ce qui se passe aujourd'hui en Syrie, en Irak, c'est qu'on territorialise. On garde un territoire et ça, c'est inquiétant. Et c'est la leçon qu'il faut retenir des années de résistance avec Massoud et Massoud restera, dans ce contexte-là, un éternel résistant. Merci Olivier Weber. Je rappelle le titre de votre dernier livre, La Confession de Massoud, chez Flammarion. Merci encore. Au revoir. Merci à vous. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, vie et mort du commandant Massoud, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, nous évoquerons la polémique autour de la pyramide du Louvre.